Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 8 mars. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'Alexandre Gagnon de Dolbeau-Missassini qui va participer au test d'habileté de la Ligue canadienne de football qui auront lieu vendredi à Montréal. Et si Alexandre Gagnon performe bien, celui qui porte les couleurs du Verreur de l'Université de Sherbrooke augmenterait considérablement ses chances d'être repêché par une équipe de la Ligue canadienne de football. En entrevue sur les ondes d'AnRadioSport.com hier, le dépisteur-chef des Alouettes, Éric Delaurier, nous parle d'Alexandre Gagnon. C'est sûr que toutes les équipes ont certains joueurs pour ça. Ouais. Dans son cas, je pense que probablement que si que ça serait le cas, il retournerait peut-être à l'école pour une autre année. Mais en même temps, peut-être que ça pourrait être une surprise au camp d'entraînement. Puis il se fait une place, des unités spéciales. Ça pourrait être un joueur très très intéressant quand on commence à parler de 6 pieds 8. Il va courir en bas de 5, probablement dans le 40. C'est un gars très athlétique. Je pense que on dirait qu'il a quasiment même pas grandi dans son corps encore, donc il développe encore. Un terme de football, c'est un homme « raw ». Okay. Il est sous-développé, donc beaucoup de potentiel et de pouvoir. Et dans un deuxième temps, Alexandre, Éric Delaurier nous parle de ses tests d'habileté. Saskatchewan, il y a 3 régionales où que les joueurs qui n'ont pas encore été invités au national, ils vont faire part d'un combine. On fait des tests de 40 verges, des sauts en hauteur, en longueur, ainsi que des tests de position. Après ça, on fait des one-on-one, des choses comme ça. Donc, c'est sûr et certain que quand on fait des drills, des choses comme ça en avant de toutes les équipes de la CFL, qu'il y a des meilleures chances qu'on se fasse repêcher. OK. Est-ce que c'est le même principe? Parce que les Jeux du Québec se sont terminés samedi à Alma et hier, on a fait le volet sportif des Jeux du Québec avec Stéphanie Martin. Stéphanie Martin nous explique que le fait que c'était présenté à Alma, ça facilitait beaucoup l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense qu'on connaissait déjà les emplacements, les entraîneurs connaissaient aussi les équipements et tout ça. Donc, oui, je pense que ça a aidé aussi là au fait qu'on a peut-être remporté un petit peu plus de médailles. OK. C'est certain que ils ont construit quand même une nouvelle bâtisse là, qui est le centre multisport. Donc, je suis certaine que ça va servir énormément à Alma et dans la région. Juste cette année, plusieurs finales régionales se sont déroulées à Alma vu l'arrivée là des Jeux du Québec. Donc, je pense que Alma est maintenant sur la carte là. Concernant les équipements sportifs hivernales, en tout cas, là, pour notre région. OK. Et tu, hier aussi, Sylvain parlait de... Comme à tous les mercredis, je vous donne le classement POC. Selon le site internet classementpoc.com, on retrouve les Rapides de Dolbeau-Missassini au 8e rang au niveau Bantam et les Hurricanes de Massouillache au 24e rang et au niveau junior, les Épervilles de Normandin sont au 27e rang et les Sabres de Roberval au 37e rang. Et bonne nouvelle pour l'ancien joueur des Saguenay, Guillaume Asselin, qui a été sélectionné ou qui a signé un contrat avec l'Organisation du Canadien de Montréal. Asselin, qui a déjà porté les couleurs des Sags, évolue avec les Patriotes de l'UQTR. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Stéphanie Martin, la chef de mission de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Éric Delaurier vient nous parler d'Alexandre Gagnon, qui risque d'être repêché par une équipe de la Ligue canadienne de football. Et également, vous pouvez écouter aussi l'entrevue que j'ai réalisée aussi avec Stéphane Cadorette qui arrive des tests d'habileté de la NFL. Le sport local et régional à danradiosport.com.